Bienvenue dans l'Instant Groove. L'Instant Groove, c'est une heure de découverte de la musique électronique, de la house music, du dub à la techno, en passant par les synthétiseurs qui vous feront frissonner de la tête aux pieds. Aujourd'hui, j'accueille NCFB. Bonjour NCFB, bienvenue. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Bah, ça va super, et toi? Impeccable. Très bonne journée. Sous le soleil lorrain, tout gris, impeccable. Et je suis toujours accompagné de ma co-animatrice Lucie. Comment vas-tu, Lucie? Très bien, je suis très contente de faire cette émission avec vous deux. Impeccable. Que vas-tu nous proposer aujourd'hui, pardon? Bah, aujourd'hui, je vais vous proposer un set de 1 heure sur ce que j'ai l'habitude de faire tout le temps. Donc ça va être de l'art techno, psytrance, un peu de hardcore. Chers auditeurs, ça va un peu galoper, je pense, dans le studio. J'espère que NCFB va vous régaler. C'est parti. We know about this one. Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes toujours sur l'Instant Groove avec NCFB, ça galope sévère. On est, il faut savoir, lundi, ben c'est lundi vénère en fait là, et on adore ça. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et comment tu as commencé à faire de la musique ? Bah, j'ai toujours été passionnée par la musique depuis que je suis toute jeune. J'ai pas forcément commencé par écouter de la musique électro ou techno, mais j'ai commencé à écouter ça quand début de mon adolescence. Je suis pas mal allée en teuf aussi, donc j'ai commencé comme ça et ensuite je me suis plus tournée vers les warehouse et les festivals. Et avec mon meilleur ami, à l'époque, il a commencé à apprendre à mixer pour le loisir. Et du coup, on a commencé à apprendre tous les deux. Enfin, il s'est dit que c'était une bonne idée pour moi aussi, vu qu'on baignait un peu dans ce milieu depuis un certain moment. Et donc, on va dire, j'ai commencé, oui, quand j'ai eu 18 ans, 18, 19 ans. Et donc, ton meilleur ami, il est DJ aussi, lui aussi, maintenant, ou il a arrêté ? Non, c'était mon meilleur ami de l'époque. Ok. Et non, il fait plus ça. Ça marche. C'est quoi tes influences musicales majeures ? Alors, moi, je tourne autour de la hard techno, psytrance et la hardcore aussi. Et donc, dans le milieu de la hard techno, psytrance, il y a... alors, c'était très compliqué de trouver des DJ, mais on va dire mes DJ préférés du moment. Donc, il y a Cicotti, Caravel, qui est une DJ française qui vient de Lyon, Sarah Landry, Matal, Shlomo aussi, qui vient de Paris, BLK, un artiste qui a vraiment percé juste après le Covid, il y a 2-3 ans, Azir, et comme DJ vraiment qui fait de la psytrance, qui m'inspire beaucoup et que j'aime beaucoup, c'est Indira Paganotto. Ok. Et après, dans les DJ hardcore, donc là, c'est plus industriel. Il y a Kara, Raxeller, Rainer Zonveld. Ah. Bien sûr. Only Numbers, qui est passé à Nancy il n'y a pas longtemps. Fantas, Jazzy. Et après, Angie Core et Gabriel Padrevita. Diane, Dion et Lika Agnelli. J'ai adoré quand tu as dit ça a été très difficile d'en trouver, tu nous as fait une superbe liste. Chers auditeurs, chers auditrices, c'est le moment d'écouter quand même cette magnifique liste parce que c'est une vraie sélecta. Je crois que t'es la personne qui nous a sorti le plus. Bah, c'était assez compliqué d'en trouver. Enfin, du coup, j'ai dit mes artistes préférés, on va dire. On va faire une dernière question avant de reprendre parce que les auditeurs, là, ils bouillonnent d'impatience de taper de la patte. ton nom de scène est NCFB. Pourquoi ? Désolé, mais j'adore cette question. Mon surnom, depuis que ça fait quelques années qu'on m'appelle comme ça, c'est Nwashi. Mm-hmm. Bon, il y en a qui trouvent que c'est assez raciste, mais en bas, ça me plaît. Et c'est mes potes... J'ai un côté, on va dire, assez garçon manqué. Ils ont rajouté Nwashi Boy à la fin. Et moi, j'ai rajouté ma petite touche perso, j'ai rajouté le fucking au milieu. Donc ça donne Nwashi fucking boy. Petite référence à Sarah fucking Snyder, je sais pas si vous la connaissez. Pas du tout, non. Je suis une mannequin. Okay. Et j'aimais bien ce, on va dire, ce petit truc en plus. Et du coup, en fait, c'est la contraction des lettres, NCFB. Génial, chers auditeurs. Pardon, excusez-moi. Chers auditeurs, chères auditrices, on écoute Nwashi fucking boy. C'est parti. I wanna dance. to start. Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bien sur l'Instant Groove et non dans une warehouse à Berlin. Ça pourrait porter à confusion. Je crois que tu es en train de me réconcilier un peu avec le hardcore, sache-le. Bonne nouvelle. As-tu une anecdote à nous raconter sur un de tes DJ sets, qu'elle soit rigolote, bonne ou mauvaise, une exclusivité ou non ? J'ai une anecdote qui est plutôt mauvaise, mais à la fin, c'est très bien passé. C'était l'année dernière au festival OME Phase B avec MYT et Formos Music. Je mixais le premier jour du festival et je rentrais de vacances et j'avais préparé une tracklist fou. J'étais trop contente et j'avais trop hâte de mixer. Et quand je suis arrivée, j'avais testé ma clé sur mon contrôleur et le contrôleur de pote aussi. Et quand je suis arrivée et que j'ai voulu brancher ma clé USB, les platines ne l'ont pas détectée. Aïe. Et du coup, au tout début de mon set, il y a eu un petit blanc. Et on a essayé de trouver une solution. Et heureusement que j'avais un ami qui mixait aussi et qui était là ce soir-là. Et il m'a prêté sa clé USB bien gentiment. Trop même bien. Si on n'a pas le même style musical, il avait mixé à Paris un soir où il avait mixé assez vénère. Et du coup, il m'a dit d'utiliser sa playlist. Il t'a sauvé la mise, quoi. Il m'a bien sauvé la vie. Parce que sinon, on m'avait prêté une clé USB, mais c'était de la techno big room, mais c'est pas du tout ce que je mixe. Ouais. Et j'espère que les gens n'ont pas trop remarqué. Capté, ouais. Non, mais après. Ça arrive, hein. Oui, ça arrive. Et j'aurais dû prévoir une clé USB de secours. Exactement. Et là, je suis sûr que tu pars toujours avec deux clés maintenant, non ? J'en ai trois, ouais. Il faut être pris pour être appris. Si tu pouvais collaborer avec une artiste, lequel choisirais-tu et pourquoi ? Alors ça, je pense que ça a été la question la plus compliquée. Vu la liste que tu nous as sortie, oui. Mais je pense que si je devais collaborer avec un artiste... je dirais peut-être BLK ou Diane. Voilà. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, je les trouve trop forts. Et vraiment, c'est des artistes que j'apprécie énormément et j'adore ce qu'ils font. Bah super. Et si tu pouvais jouer un set dans un endroit, n'importe lequel au monde, lequel choisirais-tu ? L'endroit rêvé ? Ouais, je sais pas trop. On m'a déjà posé cette question et j'ai jamais trop... réussir à y répondre, mais je pense que ça serait dans un gros festival Mon festival préféré, c'est Awakenings, ouais, en Hollande. Et je pense qu'un jour, ça serait une scène rêvée. Incroyable. Je pense que c'est le rêve de tous les DJ. Voilà, la réponse est trouvée. Eh ben, on va repartir pour ton set. Vous êtes toujours sur Radio Fadjet et non dans une warehouse et on écoute Noachi Fucking Boy. When I say red light, I need you to stop. When I say green light, I need you to go. When I say red light, I need you to stop. When I say green light, I need you to go. Now when your light hits, I want you to go like this. Now when your light hits, I want you to go like this. Intro. Intro. Intro. Intro. Now. I need you to stop. Thank you. chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes toujours sur l'Instant Groove avec Lucie et NCFB au platine actuellement. J'ai des petites questions annexes, mais il y en avait une, Lucie, que tu voulais poser absolument. Hein. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de faire la Wokening, comme tu en as parlé, comme le festival où tu aimerais mixer, si tu avais eu l'occasion un jour de le faire? En tant que festivalière, oui. Ouais. Je l'ai déjà fait 5 ou 6 fois, je crois. C'est la carte de fidélité. Malheureusement, ils n'en font pas. Mais ouais, non, j'y suis déjà allée. Trop bien. On est à combien de BPM, là si... Alors, généralement, quand je commence un set, je commence à 155 environ. Et okay. Au fur et à mesure, j'augmente, j'y vais crescendo. Et généralement, je finis entre 160 et 165. Très bien pour faire un peu de sport, ça, ouais. Comme on le disait hors antenne. Et une petite dernière aussi, mais est-ce que tu as déjà réalisé cette auparavant? Est-ce que tu l'as déjà mixé dans un lieu ou dans un festival, un événement? Alors, ou c'est une exclue, quoi, c'est ça? Bah, c'est un mix de plusieurs sets. Chaque set est une exclue parce que je change tout le temps. En fait. Mmh. Je calcule pas mes sets à l'avance, quoi que ce soit. Je prépare mes tracks. Je me dis, bah écoute, celle-là, je l'aime bien, j'ai envie de la jouer la prochaine fois. Mais j'essaie de changer à chaque fois, de varier et pas varier les styles vu que je suis à peu près dans le même. Mais je change mes tracks à chaque fois. Mais d'avoir de nouvelles tracks. Ouais. Bon, après, des fois, je retourne dans mes anciennes playlists et je rejoue les tracks que j'aime bien. Quoi. Ça me permet de rebondir. Est-ce que dans les morceaux que tu joues, justement, il y en a qui sortent un peu du lot et que tu aimes bien remettre un peu à chaque fois? Bah, cette track-là, justement, Out to the Bouncer, c'est une track que j'aime beaucoup jouer parce que je la trouve magnifique. Et en ce moment, ce que j'aime bien jouer, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui me demandent la track après, track après ID, mon set. Track ID. C'est Paralyzed de Calvin Schlag et Ossalock, que j'aime beaucoup aussi. Je pense que je la jouerai plus tard. Et grâce à une amie aussi qui m'a fait découvrir ce son-là, c'est un edit industriel de Lana Del Rey, Summertime Sadness de Swanee. Qui est incroyable. J'ai retenu Calvin Schlag, le nom, il m'a... J'adore. Comment tu fais pour gérer ton stress avant de mixer? Est-ce que tu as une petite technique? Pas vraiment, non. Un petit rituel? En vrai, pour être honnête, avant de jouer, je stresse pas du tout. Ok. Justement, j'ai hâte. Parce que j'adore faire ça, en fait. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est de monter sur scène et de jouer. L'adrénaline, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais si, les toutes premières fois, surtout la première fois que j'ai joué, la toute première fois, j'ai stressé comme une malade. J'avais une énorme boule au ventre et j'avais peur de me foirer, en fait. Mais, normal. Après, au fur et à mesure de jouer ou quoi que ce soit, bah, je deviens plus à l'aise. Donc ouais, non, j'ai pas de stress. Trop bien. On est reparti sur ton DJ set, c'est parti. We'll be right back. about this one. Chers auditeurs, chères auditrices, toujours sur l'Instant Groove avec NCFB, je le dis en anglais pour être un peu plus stylé cette fois-ci. Depuis quand tu mixes? Je me suis posé cette question en te voyant être allègrement à l'aise. Depuis quand? Bah, j'ai commencé, j'avais 18-19 ans. Ok, et ça fait combien de temps du coup? j'ai 24 ans, donc ça fait 6 ans. 6 ans. trop bien. Et qu'aimerais-tu dire à une personne, par exemple, qui aimerait se lancer dans le mix, mais qui n'ose pas, tu vois, par exemple, une personne? Bah, en vrai, maintenant, je trouve que c'est plus facile de se lancer dedans avec toute l'évolution digitale et tout qu'il y a eu. Pas hésiter à se lancer. J'ai pas mal de potes qui m'ont demandé des conseils. Et le mieux, c'est arriver à trouver son style et... s'acheter un contrôleur ou demander à des potes qu'on leur prête un contrôleur et puis se lancer en vrai. Vamos. Et je suis un grand fan et un grand gourmand de cuisine. Avec quoi ton set d'aujourd'hui, il se marierait le mieux au niveau cuisine et aussi au niveau boisson, parce que il faut pas dire, mais j'adore boire. Ça, je sais pas du tout. Après, les goûts et les couleurs... Tes goûts et tes couleurs à toi. Je sais pas trop... qu'est-ce qui accompagnerait bien pendant mon set ou avant mon set? Vas-y, vu que t'as posé la question les deux. Avant mon set, un repas bien consistant pour prendre des forces. Mm-hmm. Moi, j'ai pensé, je suis une grande viandarde, donc je me disais une bonne côte de bœuf avec des pommes de terre et une bonne bouteille de vin rouge. Et pendant mon set, je sais pas, je t'avoue... J'ai pas trop faim quand je mixe, mais alors mon boisson classique, hein, vodka Red Bull ou des shots, de la bière aussi, impeccable. Grande chaîne de bière, donc bonne pinte. L'alcool est à consommer avec modération. Évidemment. Est-ce que tu as un plaisir coupable en musique que tu as envie de nous partager aujourd'hui? Alors, mon plaisir coupable, je dirais, ce serait le R&B. J'ai grandi avec le R&B, j'adore ça. Je pense que c'est mon style musical préféré, avec la techno, bien sûr. Et il y a un style que j'aime bien aussi et qui surprend pas mal. J'aime beaucoup le punk et le metal, mais pas le death metal ou le metalcore, ça, c'est un peu trop. Mais j'aime bien le rock metal, un peu. Ou des fois, quand j'ai envie de rester chill... j'aime bien écouter les openings de mangas, d'animés. Trop bien. Et as-tu des fans, des personnes qui te suivent depuis le début? Alors des fans, ça je sais pas trop. Mais ouais, il y a quand même pas mal de gens que je vois qui me suivent, qui sont régulièrement là aux soirées où je mixe et aux soirées que j'organise. Mais sinon, ceux qui me suivent vraiment depuis le début, ça serait mes amis, mes meilleurs potes. Trop beau. Et est-ce que tu aurais un petit mot, justement, à leur passer, là? Merci de nous écouter ce soir. Et puis, merci d'être présent à chaque fois que je joue. Et puis, c'est un peu grâce à eux aussi que j'en suis là. Donc, je les adore. Et j'aime bien parler avec eux aussi à la fin de mon set ou avant. Il y en a souvent qui viennent me voir et qui me disent qu'ils aiment beaucoup ce que je fais. Donc, ça me fait plaisir parce que... Moi, je fais ça aussi pour moi parce que j'adore ça. Mais voir qu'il y a des gens qui me suivent et qui adorent ce que je fais, bah, ça fait trop plaisir. Ouais. Big up aux potes. quelle est ta prochaine soirée et où, s'il y en a une? Alors, ma prochaine soirée, ça va être ce week-end, le 28 septembre, au Social Club à Metz, avec LVY Events. D'ailleurs, merci à eux de m'avoir invité à jouer. Et puis... je serai aux côtés aussi d'un bon ami à moi qui est Didier et qui s'appelle Advi. Donc j'ai hâte d'y être. Trop bien. Et est-ce que tu produis de la musique ou sur quelle plateforme on peut découvrir tes sets? Alors non, je ne fais pas de production encore. Ok. Mais j'aimerais bien. Mais sinon, vous pouvez retrouver mes sets sur SoundCloud, sur mon compte NCFB et mon clip au Musée des Beaux-Arts sur YouTube. Incroyable, je l'ai vu. Merci beaucoup. Trop trop stylé. Bravo. Pour finir, est-ce que tu as une petite devise ou un mantra qui résonne particulièrement en toi et que tu aimerais nous partager? Alors non, j'en ai pas trop, mais il y a un truc que je me dis assez souvent, et c'est de profiter du moment présent. Parce que je me le dis tout le temps. Des fois, quand j'hésite ou j'ose pas faire quelque chose, je me dis il faut profiter et prendre l'opportunité tant qu'elle y est. Belle philosophie. C'est une magnifique philosophie. On termine l'interview, mais le set dure encore pendant 16 minutes. Mm-hmm. Ça sera tout à toi. Tu auras ce studio qui est en train de s'assombrir et rentrer dans ton univers, je pense. Je te remercie énormément. C'est un honneur pour moi de t'avoir accueilli aujourd'hui. Bah, merci à vous pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici et puis de vous faire découvrir un peu mon univers. Et ben c'est parti, NCFB. Le studio est à toi.